Ah, Valérie! S'écria Montès en la serrant dans ses bras. C'est impossible! Viens au Brésil! Valérie regarda le baron et retrouva son esclave. Ah, si tu m'aimais toujours, Henri, dans 2 ans, je serai ta femme. Mais ta figure en ce moment me paraît bien sournoise. Je te jure qu'on m'a grisée, que de faux amis m'ont jeté cette femme sur les bras, et que tout ceci est l'œuvre du hasard, dit Montès. Je pourrai donc encore te pardonner, dit-elle en souriant. Et te marieras-tu toujours? Demanda le baron, en proie à une navrante anxiété. 80 000 francs de rente, dit-elle avec un enthousiasme à demi comique, et crevelle même tant qu'il en mourra. Ah, je te comprends, dit le Brésilien. Eh bien, dans 2 jours nous nous entendrons, dit-elle, et elle descendit triomphante. Je n'ai plus de scrupules, pensa le baron, qui resta planté sur ses jambes pendant un moment. Comment cette femme pense à se servir de son amour pour se débarrasser de cet imbécile, comme elle comptait sur la destruction de Marneffe. Je serai l'instrument de la colère divine.